Ok, nous allons continuer ce chapitre qui parle des, qu'on a vu ensemble la semaine passée, le célibat. Et le célibat, c'était une bonne chose. On a vu les raisons pour lesquelles Paul a donné cela. Et c'est pas toujours une bonne chose, le célibat, mais ça peut être une bonne chose. On a vu ensemble les 3-4 raisons que Paul a données. Si vous pensez au célibat, mais je vous encouragerais d'acheter le CD, une pièce, et de l'écouter avant de prendre votre décision. Au verset 1 du chapitre 7, nous voyons pourquoi Paul va répondre à un paquet de questions qui vont aller jusqu'au chapitre 14-15. C'est qu'il avait reçu une lettre de la part de l'Église, et dans l'Église, il avait transmis à Paul, de par des gens, des questions qu'il avait sur leur cœur par rapport à la foi. Et Paul, chapitre 7, 8, 9, 10, va répondre aux questions par rapport à la liberté chrétienne, aux dons, à la résurrection. Il va parler beaucoup de sujets qu'on va tous étudier ensemble en s'en allant. Et ce matin, on va voir ensemble la suite du chapitre 7 qui, où ce que Paul va répéter à quelques reprises, « Restez comme vous étiez le jour où vous avez été sauvés. » Depuis que je suis chrétien, depuis que je travaille au niveau de l'évangélisation, à plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit, « Je me demande bien pourquoi le Seigneur ne m'a pas sauvé avant. » Je pense, quand je dis ça, je pense à une femme que j'ai eu le privilège de travailler à ce qu'elle accepte le Seigneur. Quand elle accepte le Seigneur, elle dit, « Ah, que j'aurais donc aimé que le Seigneur me sauve il y a un mois. » Parce qu'il y a 3 semaines avant, elle avait parti de chez elle, elle avait abandonné son mari, ses 3 enfants. Elle avait été vivre avec une femme. Elle avait eu des problèmes avec la sexualité, elle était lesbienne. Elle avait accepté le Seigneur. Il dit, « Oh, que j'aurais donc aimé que le Seigneur me sauve avant. » Elle me regardait et elle disait, « Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? » Et j'ai répondu avec une grande réponse, « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Elle a fait tout son possible dans les mois qui ont suivi, dans l'année qui a suivi, pour retourner chez elle avec son mari et ses enfants. Lui a barré la porte avec un cadenas. Il a rentré une autre femme dans la maison. Il dit, « Tu ne reviendras jamais ici de ta vie. C'était fini. » C'est encore fini d'ailleurs. Même si ça fait plusieurs années, c'est une dizaine d'années de ça, je ne sais pas plus. Pourquoi ne m'a-t-il pas sauvé avant? Un homme qui est venu me voir un moment donné, avec lequel on avait encore travaillé à Victoriaville cette fois-là, 78 ans, il a accepté le Seigneur. Ça faisait 30 ans passés que sa femme était chrétienne. Puis il disait, pourquoi est-ce que je n'ai pas été assez intelligent pour accepter le Seigneur plus vite que ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'a pas aidé à comprendre plus vite que ça? On peut se poser toutes sortes de questions, n'est-ce pas? On peut se poser toutes sortes de questions. Et on n'a pas de réponse. Mais la chose est certaine, les plans de Dieu sont toujours parfaits. Il y en a qui ont été sauvés qui avaient 4-5 ans. D'autres ont été sauvés, il y avait 75 ans. Il y en a qui ont été sauvés très riches. D'autres qui ont été sauvés très pauvres. J'ai connu un homme qui est devenu mon grand ami, qui, pendant sa vie, avant de se convertir, il avait gagé sa femme aux cartes. Il avait gagé sa maison. Il courait après un avocat avec une carabine dans la ville pour le tuer. Et il s'est converti, finalement. Il s'est demandé un paquet de questions. Pourquoi est-ce que Dieu avait attendu toutes ces années? Il approche 50 ans. Pas de réponse, vraiment. Mais la question, des fois, qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est quoi, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui stimule le croyant à penser comme ça? Parce que des fois, on pense qu'on serait mieux, on serait en meilleure position, on pourrait faire mieux, on aurait fait mieux. On pense qu'on aurait pu agir plus pour Dieu, faire de plus grandes choses pour lui, si on avait été sauvé jeune, si on avait été sauvé plus vite, ou avant de divorcer, ou avant de se séparer, ou avant de faire ci, ou avant de faire cela. Mais Paul, il dit, « Restez comme vous étiez le jour où vous avez été sauvés. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'on croit. C'est notre tendance humaine, notre tendance de pécheur qu'on est encore. On pense qu'on peut améliorer ce que Dieu a fait. On pense qu'on peut faire de quoi pour faire plus pour Dieu. L'apôtre Paul a dit à un moment donné, « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, si vous vivez comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on encore ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Et quand on est devenu chrétien, même si on croit à la grâce de Dieu, même si on croit qu'on est sauvé sans les œuvres de la loi, qu'on est gratuitement aimé par Dieu, notre tendance dans la chair, parce qu'il dit bien ici, hein, c'est pour satisfaire la chair, notre tendance dans la chair, ça va être d'ajouter, ça va être de performer, ça va vouloir s'imposer des règles. On appelle ça, des fois, dans nos églises, le légalisme. On va vouloir faire plus pour améliorer notre situation, pour pouvoir faire plus pour Dieu, des fois, qu'on va dire. Paul est dit, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et je vous dis ça parce que dans notre chapitre 7, c'est le fondement un petit peu de pourquoi Paul va argumenter avec les chrétiens qui sont là. Parce que les chrétiens qui sont venus au Seigneur, soient circoncis ou incirconcis, esclaves ou non esclaves, mariés, pas mariés, il y a un paquet de problèmes qui a surgi. Peut-on améliorer notre situation? Peut-on être des meilleures personnes pour Dieu? Peut-on faire quelque chose pour changer notre situation? La semaine passée, on a vu qu'il y en a qui disaient que peut-être on serait mieux célibataire pour servir le Seigneur. Peut-être qu'on serait plus libre. Il y en a qui avaient commencé à penser que peut-être qu'on pourrait s'abstenir de la sexualité pour mieux servir le Seigneur. Et dans l'Église, il y avait déjà des chrétiens qui s'étaient séparés. Hommes et femmes s'étaient séparés parce qu'ils pensaient mieux servir Dieu comme cela. Et Paul leur dit, non. Faites pas ça. Vous ne pouvez pas améliorer ce que Dieu a fait. Si Dieu a fait une peinture, laissez les pinceaux à terre. Si vous touchez à un pinceau, vous êtes sûr que vous allez briser la peinture. Vous ne pourrez pas améliorer ça. Vous ne pouvez pas améliorer ce que Dieu a fait dans votre vie. Si vous le pouviez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous glorifier. C'est sûr et certain. Si vous pensez que vous pouvez faire de quoi, c'est sûr et certain que vous allez faire ce que Paul va dire ici. C'est un orgueil de la chair. Vous allez vous glorifier, vous allez vous en vanter. Parce que vous allez faire des choses que d'autres ne font pas, vous allez vous penser meilleur que d'autres personnes dans l'Église. aussitôt que vous commencez à vous comparer avec quelqu'un, qu'il soit chrétien ou non chrétien, c'est toujours parce que vous voulez vous vanter. Et moi aussi. Parce que dans le fond, tout ce que vous avez, vous l'avez reçu. Et Paul dit, si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en vanterais? Tu peux pas. C'est quelqu'un qui te l'a donné. Donc, tu ne peux certainement pas t'en glorifier. L'apôtre Paul, est au verset 17, on va en lire un petit bout, si vous voulez bien. À partir de ce verset-là. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ici, c'est la première chose qu'il va dire. La semaine passée, il a dit, si tu as été sauvé célibataire, reste célibataire. Si tu as été sauvé marié, reste marié. Puis là, ce matin, il dit, si tu as été sauvé incirconcis, reste incirconcis. Si tu as été sauvé circoncis, reste circoncis. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de dire aux circoncis qui étaient en général des juifs. Reste juif. Continue à pratiquer la loi. Continue à le faire comme tu aimais ça faire ça. Ça n'empêche rien. Continue à aller au temple. Tu veux y aller au temple? Vas-y au temple. Paul, il est allé au temple lui-même. Il était arrêté dans le temple. Parce qu'il venait d'aller faire des sacrifices pour le vœu qu'il avait fait. Il t'a sauvé à ce moment-là. Il y a longtemps qu'il t'a sauvé. Il dit aux juifs, continuez à pratiquer la loi si vous voulez la pratiquer. Continuez à aller au temple si vous voulez faire des sacrifices. Allez-y. Pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça pour Paul. Mais il dit aux incirconcis, mais vous n'êtes pas obligés, vous autres, d'y aller, par exemple. Vous autres, il dit, vous êtes incirconcis? Restez incirconcis. Vous n'avez pas besoin de pratiquer la loi. Vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire. Vous savez, ça a fait un grand débat en Antioche, on l'avait vu ensemble. La circoncision. Ça a été toute une histoire dans les premiers siècles de l'histoire. Les chrétiens juifs, il y avait de la misère avec ça. Ils voulaient que tous les inconvertis se fassent circoncire et pratiquer la loi. Et Paul dit, ben non. Il dit, vous ne serez jamais un meilleur chrétien si vous pratiquez la loi. Et vous ne serez jamais un moins bon chrétien si vous ne la pratiquez pas. Restez comme vous êtes, il dit. Restez comme vous êtes. Vous savez, il n'y a pas de plus libre que les chrétiens. On va voir ça un peu plus loin. Tout est permis. Il dit, wow, François. Tout est permis. Wow, t'as pas le droit de dire ça. C'est pas tout est permis pour les chrétiens. Blablabla. Tout est permis. Ah, ça, je ne vous ai pas dit qu'est-ce que ça voulait dire, mais Paul l'a dit. Il a pris ces mots-là. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas obligé de faire rien. C'est pas obligatoire, mais tout est permis. Ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles ici. Hier, j'étais allé louer le film. Ma femme n'était pas là, j'en ai profité. Si tu pas. J'étais allé louer le film Narnia. Mais je t'ai appelé à l'écouter hier. Je n'étais pas chez vous. Et parce que c'est un film pour les enfants. C'est fait pour les enfants en général. Et qui, c'est Lucie, la semaine passée, qui a dit que des chrétiens qui proclament partout de ne pas écouter ce film-là, c'est magique, c'est pas bon, on ne devrait pas faire ça. Parce que, oui, il y a une forme de magie là-dedans, une mauvaise magicienne, là. Mais le but, c'était, je vous ai dit, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles de C.S. Lewis quand il l'a fait. Il veut emmener les gens à se tourner vers Dieu. C'est pour ça qu'il présente les enfants d'Adam. Les enfants de Ève, qui sont la race humaine. Et ils montrent qu'il y a un débat dans le monde spirituel du mal et du bien. Et qu'il y a quelqu'un dans ce monde-là qui vient au secours des êtres humains. Qui vient au secours des êtres humains. Donc, il y a une bonne pensée derrière ça. Je ne suis pas tout d'accord avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Mais l'important, c'est qu'est-ce que le gars voulait faire avec ça? Pourquoi il l'a fait, le film? Il l'a fait pour glorifier Dieu, mes frères et sœurs. Il l'a fait pour glorifier Dieu. Comme vous et moi, vous vivez pour glorifier Dieu, puis vous êtes loin d'être parfait. Hein? Puis moi non plus, je suis bien loin d'être parfait, comme disait mon père, parfait. On n'est pas parfait. Mais, dans notre cœur, on veut glorifier Dieu. Ainsi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'observer les commandements de Dieu. On parle de quoi ici, là? On parle des 10 commandements, la loi morale de Dieu. D'aimer son Dieu et d'aimer son prochain, si on résume tout ça. C'est ça qui est important. Comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, de la manière que tu vas t'y prendre, ça, c'est ton affaire. Moi, je ne veux pas juger ça. Si tu n'aimes pas ton épouse ou ton conjoint, ça, je peux te parler de t'encourager à ça. Mon garçon, il me voit au restaurant. Papa, il dit, j'ai écouté une cassette que tu as faite, j'ai bien aimé ça, quand il t'a dit, tu n'as pas à me dire comment aimer ma femme. Ah, j'ai aimé ça. Oui, j'ai aimé ça. Mais il dit, tu peux m'encourager à aimer ma femme. Mais ne me dis pas comment le faire. C'est pas ton affaire. C'est mon affaire, ça. Mais tu peux m'encourager que je puisse aimer Denise. Tu peux prier pour moi pour que je puisse aimer Denise. Mais tu peux pas me dire comment aimer Denise. Parce que moi, je suis pas toi. Et Denise, c'est pas ta femme. C'est rien. Chacun va être libre de comment faire ces choses-là. Et s'il dit, tu n'as pas à être circoncis, et tu n'as pas à être incirconcis, c'est pas important. C'est pas important. Deuxièmement, ou troisième, ce qu'on avait eu la semaine passée, on va lire à partir du verset 21, je pense qu'on était rendu là. Oui, verset 21. Quelqu'un veut lire? Donc, il dit, si tu as été sauvé esclave, ne t'en fais pas. L'esclave, mais si tu peux devenir libre, viens libre. Mais si tu as été sauvé esclave et tu ne peux pas t'en sortir, ne te casse pas les pompons. Il devait se demander au chrétien, comment je vais faire pour servir le Seigneur? Si mon maître ne veut pas que j'aille à l'église le dimanche matin, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu te fais pas, tu te fais pas avec ça. Ça n'a rien à voir avec ta vie chrétienne, avec le Seigneur, ça. Si tu es un esclave, tu fais tout un pas. Laisse esclave. Sans le Seigneur en tant qu'esclave. Si tu peux devenir libre, profite-en. Hein? Ben oui, profite-en, c'est certain. Mais il dit, fais tout un pas avec ça. Tu peux servir le Seigneur même si tu es esclave. Il y a quelqu'un qui voulait venir à l'église avec nous aussi. Quand il a su qu'on allait au restaurant le dimanche matin, il n'a pas voulu venir. Il dit, vous ne devriez pas aller au restaurant le dimanche. C'est défendu de travailler le dimanche. Vous encouragez ça? Ils n'ont pas venu à l'église, c'est fini. J'ai dit à ma femme, je suis content que tu n'es pas venu. Voyez-vous ça? Ils sont tellement en train là. Hein? Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il n'y ait pas au restaurant. J'ai aucun problème avec ça. Mais ce qui est en face, une règle, si tu ne fais pas comme moi, tu n'es pas correct. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que on se fait une règle, on se fait des lois. Il dit, si tu étais venu au monde spirituellement libre, mais reste libre, ne deviens pas un esclave. Reste comme tu étais. Nous, on dit, mais qui va vouloir devenir un esclave? C'est à plus courant qu'on pense dans ce temps-là. Savez-vous quand les gens devenaient esclaves, savez-vous que c'est à quoi? C'est à peu près la même chose aujourd'hui que quelqu'un déclare faillite personnelle. Dans ce temps-là, quelqu'un qui ne pouvait pas payer toutes ses dettes, hein, il se vendait à quelqu'un pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans. Il se vendait esclave. Et comme ça réglait tous ses problèmes. Des fois, il pouvait vendre sa femme, ou sa fille, ou sa famille, ou son garçon. Il va dire un garçon esclave à quelqu'un pour 7 ans. C'était juif, il n'y avait pas plus que 7 ans. Mais on vendait pour le libérer de nos dettes. Donc ça se faisait. Mais Paul dit, ne viens pas l'esclave des autres. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Je crois que si quelqu'un devrait faire ça aujourd'hui, on devrait plutôt s'entraider dans l'Église pour empêcher que ça arrive, hein, s'arrêter comme ça. Mais là, ce n'est pas ça qui est notre cas aujourd'hui. Mais il dit, ne t'en fais pas que tu sois esclave ou libre. Parce qu'il dit quoi? Tout le monde, tous les chrétiens sont esclaves du Seigneur. Que tu sois libre ou que tu sois esclave, tu es esclave du Seigneur. Donc, ça revient à la même affaire. Tout le monde est esclave. Vous êtes tous là pour servir Dieu. Que tu sois travailleur, pas travailleur, autonome, pas autonome, que tu sois riche, pauvre, que tu sois... Parce que les esclaves, c'était quoi? Les plus pauvres dans ce temps-là. Puis il y avait aussi les libres qui étaient plus riches dans ce temps-là. Donc, il dit, que tu sois riche ou pauvre, éduqué ou pas éduqué, ça n'a pas d'importance. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir plus riche. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas devenir plus pauvre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller à l'école et t'instruire. C'est que juste que ne t'en fais pas, ça ne change rien dans ton relation avec le Seigneur. Et tu peux servir le Seigneur peu importe comment tu es. Tu ne peux pas améliorer ta situation avec le Seigneur en changeant quelque chose dans ta vie. Moi, j'aime ça, mes frères. J'aime tellement ça. Parce que c'est tellement libérant pour tout le monde. Tellement libérant pour tout le monde. Je dis au Seigneur, j'ai une job qui me fait travailler le dimanche, je fais quoi avec ça? Pas du travail le dimanche. Tu as une job qui ne te fait pas travailler le dimanche, je ne travaille pas le dimanche. C'est pas ça qui est important. Pas ça qui est important. Il dit, est-ce que tu réalises dans ta tête que tu es l'esclave du Seigneur? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Tu es l'esclave du Seigneur. Et que, parce que si tu es un esclave, le Seigneur va te diriger, va te conduire, comme un bon maître va faire. Il va te montrer comment faire. S'il t'a sauvé pendant que tu étais un esclave, mais accepte-le et vis comme ça. S'il t'a sauvé libre, accepte-le et vis comme ça. Mais en plus loin, son lira Timothée dirait, au maître, attention comment tu traites ton frère qui est esclave. Puis là, il dit à l'esclave, il dit, attention comment tu traites ton maître qui est seigneur. Parce qu'ils sont encore maître et seigneur. Mais ils sont tous les deux chrétiens dans l'épître à Timothée. Il dit, vous devez vous respecter, vous aimer l'un l'autre. C'est ça qui est important. Il n'obligeait pas les maîtres qui étaient chrétiens à tout libérer leur esclave chrétien. Pas demander ça, Paul. Hein, il aurait bien pu dire, hey, là, c'est tes frères, c'est tes sœurs, sont esclaves, libère-moi de tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Mais probablement qu'il s'est mis à mieux les traiter, après probablement mieux les aimer. Hein? Il a peut-être arrêté de les fesser dessus, peut-être, je ne sais pas. J'espère, en tout cas. Parce qu'il dit de bien prendre soin, hein, de bien respecter ça. Donc, il dit, t'en fais pas. Et là, on arrive au verset 25 jusqu'à 38. Là, c'est, ça va nous concerner un peu plus. Là, il parle des vierges. Vierges, ça, ça considère, là, surtout les femmes ici, mais je crois qu'on peut l'appliquer hommes et femmes. Dans la Bible, le mot vierge est appliqué aussi aux hommes. Donc, si tu es vierge, et là, ça touche plus notre vie de tous les jours, mariage, pas mariage, remariage, ça va être ensemble. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il y a tout un débat chez les chrétiens. Même j'ai entendu un homme qui dit, ouais, gars, Paul, dis n'importe quoi, c'est pas le Seigneur qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, là? Parce que ce n'est pas, je n'ai point d'ordre du Seigneur. C'est moi qui dis ça, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il ne tenait pas ce que Dieu m'a dit à moi quand il m'a apparu. Parce que vous savez que Paul a eu des apparitions du Seigneur et Dieu, Jésus lui a parlé comme je vous parle le matin. À plusieurs reprises, Paul il dit pendant 3 ans qu'il a vu les apparitions de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, et il dit ce que je vous enseigne aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu des hommes, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Il dit ça dans Galates chapitre 1. Donc Dieu l'instruit parce qu'il est un apôtre. Un apôtre devait avoir suivi le Seigneur. Donc il dit, moi, mon enseignement, je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu directement du Seigneur. Mais là, ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas quelque chose que Dieu me dit quand il m'a apparu. C'est quelque chose que je vous dis, moi, en tant que chrétien. Mais il était aussi inspiré pendant ce bout-là que le bout avant. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ce qu'il avait entendu du Seigneur, comme les autres apôtres vont dire, le Seigneur Jésus nous a dit, puis d'autres fois, ils ne disent pas ça, parce que là, c'est une inspiration qu'ils ont eue. Ils ont été guidés pour écrire le restant. Mais c'est toutes les deux. Ça vient de Dieu, toutes les deux. Là. C'est pas un qui est de Seigneur, puis l'autre est juste de Paul. C'est un que Jésus lui avait dit de vive voix. L'autre, c'était que. Il l'a dit comme Luc. Luc a jamais vu le Seigneur, l'apôtre Luc. Pas l'apôtre Luc, mais Luc n'était pas un apôtre. Mais Luc a eu des inspirations, puis il a écrit deux livres, les Actes des apôtres et l'Évangile de Luc. Mais il n'a jamais vu le Seigneur lui-même, est-ce qu'on peut savoir? Donc, ceci dit, on continue au verset 26. Oh, j'ai pas mis ça là, excusez-moi. Verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que les temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, mais des moyens de lui plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pourquoi est-ce qu'il dit aux vierges, hommes et femmes, qui ne sont pas mariés, il leur dit quoi? Restez comme ça. Mais il dit, si vous vous mariez, vous n'avez pas péché. Mais il dit, je vous encourage à ne pas vous marier. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Il donne deux raisons aussi. Il dit, premièrement, parce que vous allez avoir des tribulations dans la chair. Il dit, à cause des temps dans lesquels nous sommes, il dit, vous allez avoir des tribulations très fortes dans la chair. Et je vous ai épargné ça. De quoi il parle? Des problèmes conjugaux? Normal, de tous les jours? Je ne pense pas qu'il parle de ça. Ça, en tout cas, ça serait difficile à comprendre qu'il emploie le mot tribulation pour ça. Malgré que des fois, ça peut être des tribulations. Mais c'est pas ça qu'il parle, je crois, ici. Il dit, on est dans un temps difficile. Et le temps est court, il dit à une deuxième fois. C'est ce qu'il est en train de dire. L'Église, à ce moment-là, passait par des temps très difficiles de persécution. Il dit, à cause de cela, vous allez avoir des difficultés si vous êtes marié. Mais il dit, vous empêche pas de vous marier. Mais je vous ai juste vous empêcher d'avoir des tribulations. De vous attacher au Seigneur, au lieu de vous attacher à votre conjoint. Il dit, je ne veux pas vous jouer quelque chose par l'arrière de la table ou en dessous de la table, je veux juste vous épargner des difficultés et des douleurs. À cause des temps dans lesquels nous sommes, des temps de difficultés, des temps de tribulation, de persécution, si tu es libre, ça va être plus facile pour toi. Si tu es marié, ça va être plus difficile pour toi. Donc, c'est pas que tu... soit qui t'empêchait. Hein? Il dit bien, je ne t'empêche pas. Là. Si tu te mérites, tu n'as pas fait pire. Mais je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Vous savez comme moi, quand on est marié, on s'inquiète de nos familles. Hein? C'est normal, on s'inquiète de nos familles. De notre femme, de nos enfants. Est-ce qu'on va travailler? Ma fille, depuis qu'elle a eu son bébé, ça fait des miracles, ça va un bébé, ça va craindre. Pas quelque chose qui a changé dans sa vie. Juste parce que d'un coup, elle est devenue responsable de quelqu'un. Elle ne peut pas lancer sa job pour rien. Cette semaine, on jasait, elle dit, depuis que j'ai ma fille, elle dit, je veux toujours avoir un petit peu d'argent d'avance à mon compte de banque. Parce que elle a un sentiment de responsabilité. C'est normal, elle a un sentiment de responsabilité. Elle s'inquiète de sa fille. Puis c'est correct. Ça ne s'inquiétait pas partout, je me posais des questions. Mais c'est la même chose pour les conjoints et pour les maris. Ce qu'il dit ici, tu t'inquiètes de plaire à ta femme, et des fois, pour pas que ta femme te rejette, tu vas avoir des difficultés. Ou pas que ton mari te rejette, tu vas avoir des difficultés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des péchés à cause de votre femme ou votre mari? Si vous me dites non, on va aller vivre chez vous une secousse. Attention! Je m'en fais du café. Bonjour, n'en amenez si vous n'avez pas. Hein, ça vous est déjà arrivé de pas dire la vérité tout à fait parce que vous avez peur de ce que votre conjoint va dire? Vous avez peur d'être rejeté par lui? Parce qu'il va crier, il va chialer, il va vous critiquer, il va vous amoindrir, il va vous dire des choses que vous n'aimez pas, donc vous dites, « Oh, c'est pas grave. » Ça vous a fait mal, un petit peu, mais vous dites, « Oh, c'est pas grave. » Mais ça vous a fait mal. Vous vous inquiétez de ce que l'autre pense, n'est-ce pas? Moi, quand j'entends les gens, « Moi, ce que les gens pensent de moi, ça me fait rien. » Et que je lui ai dit que vous êtes menteur dans ce temps-là. On est pogné avec ça. Moi, le premier, on est pogné avec ça. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? C'est important. C'est pour ça que la mode fonctionne. Hein? Un matin, là, si vous allez rentrer ici, puis tout le monde, je vais vous conter une histoire. Une fois, il y a une femme qui arrive à l'église, puis à Victoriaville, les femmes s'habillaient avec des robes le dimanche. C'était une règle implicite. Personne ne le disait à personne, mais tout le monde l'avait une. Les femmes, moi, les hommes, excusez, pas les hommes. Les femmes l'avaient une. Et il y a une femme qui rentre à l'église un dimanche matin et est en pantalon. C'est la première fois qu'elle venait. Fait que là, elle regarde tout le monde. Personne ne dit un mot. La semaine d'ensuite, elle est avec une robe. Pourquoi? Elle veut que tout le monde l'accepte. Elle veut être acceptée dans le groupe. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais peer pressure ou la pression de groupe. Les adolescents, c'est pour ça que les adolescents font ça. Si tout le monde a un anneau dans le nez, ils vont en mettre une parce que ça marche de même. Et dans notre société, ça marche de même aussi pour nous autres, les adultes. On veut être comme les autres. On veut être accepté par les autres. Et dans le couple, c'est pareil. Si tu es marié, tu vas avoir tendance à vouloir plaire à ton mari ou à ta femme. Et ça va te donner des difficultés. Ça va t'inquiéter. Et tu vas moins servir Dieu comme ça. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'es pas marié, marie-toi pas. Si tu es marié, sois comme l'étant pas. Vous marquez ce qu'il dit? C'est intéressant, hein? Là, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'est vu qu'il y a une femme qui soit comme il n'y en a pas. Il y a un homme, comme si tu n'as pas de femme, tu n'as une, mais fais comme si tu n'avais pas. Moi et ma femme, on avait jasé tout ça ensemble une fois. Hey, ça, on n'avait pas même une opinion sur le verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur doit passer le premier. Pas ta femme. Pas ton mari, pas tes enfants, mais le Seigneur. Ne t'inquiète pas ce que ta femme pense en premier. Inquiète-toi ce que le Seigneur pense en premier. Ne t'inquiète pas ce que ton mari pense en premier. Inquiète-toi ce que le Seigneur pense en premier. La raison de vivre que toi, ce n'est pas ton mari, c'est le Seigneur en premier. J'aime pas ça, dire le mot premier. Ta raison de vivre, c'est le Seigneur. Point. Point. Parce qu'il n'y a pas de règles là-dedans. Ça n'existe pas, les règles là-dedans. J'ai été élevé avec c'est le Seigneur, c'est ta femme, c'est ta job, c'est l'Église, pour mettre des règles comme ça. Ça n'existe pas. C'est pas vivable, ces choses-là. C'est pas vivable. C'est la raison de ma vie, c'est le Seigneur. Avec ma femme, avec ma job, avec ma relation avec l'Église, c'est le Seigneur qui dirige toutes ces relations-là. C'est le Seigneur qui va me conduire dans toutes ces relations-là. Et Paul, il dit, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Je veux que vous soyez libre de servir le Seigneur. Fais-le vierge, fais-le marié, fais-le comme tu voudras, mais j'aimerais que vous soyez sans inquiétude et que vous serviez le Seigneur. Servir le Seigneur. Je pense que ce n'est pas tellement difficile à comprendre ce qu'il est en train de dire. Et dernièrement, versets 39 et 40, on va terminer avec ça, si vous voulez bien. On n'a pas lu 36, mais on aurait dû le lire. On va lire 36 jusqu'à 40. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de passer l'âge nubile, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un a d'autres traductions? L'âge nubile, c'est l'âge de se marier. Il y avait une date butoir dans ce temps-là. C'est un certain âge, tu devenais vieille fille. Tu sais, on disait ça, hein? Tu es une vieille fille. Pourquoi on disait ça? Parce qu'elle avait passé l'âge normal de se marier, un vieux garçon. Quand il arrivait à 28, 29, 30 ans, un vieux garçon, une vieille fille. Je lisais un article la semaine là-dessus, et il y avait une femme qui disait, elle avait 28 ans, puis elle voulait se marier avant l'âge de 30 ans. Pas personne déclare qu'elle est vieille fille. C'est une façon de notre société, hein, qui voit ça. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Il dit, pour nous autres dans notre société, ça serait un scandale, parce que là, on semble dire au père qu'il a le droit de marier sa fille ou pas la marier. Hein? Si quelqu'un a décidé de marier sa fille, qu'il le fasse, puis il a décidé de ne pas la marier, j'espère qu'il y a un petit peu de consentement de sa fille. Aujourd'hui, dans ce temps-là, vous savez comment ça se passait. Hein? C'était les parents qui mariaient les enfants. Il ne semblait pas qu'il y avait plus de divorces qu'aujourd'hui, même si c'est les enfants qui décident aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était les parents plutôt qui décidaient. Et j'espère qu'ils parlaient un petit peu avec leurs enfants. Mais il semblerait que ce n'était pas la norme. C'était plutôt décidé par les parents. Et dernièrement, je vais voir, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec quelqu'un, avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et à moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Donc, il dit, « Si tu es circoncis, reste circoncis. Si tu es circoncis, reste incirconcis. Si tu es esclave, reste esclave. Si tu es libre, reste libre. Si tu es vierge, reste vierge. Si tu es marié, reste marié. » Il dit, « Si tu es veuf, ici, il dit, reste veuf. » Bon. J'en regarde quelques-uns. En tout cas, si vous avez fait une gaffe, moi, j'ai participé à la gaffe, parce que c'est moi qui vous ai marié. Il dit que la veuve reste veuve, mais si elle ne veut pas rester veuve, qu'elle se marie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et je crois que ça veut dire avec un croyant. Avec un croyant. Personnellement, je ne marierai pas un chrétien avec un inconverti. D'autres pasteurs l'ont fait, moi je ne le ferai pas. Je ne pourrai pas faire ça. Parce que je crois que c'est de mettre l'eau et le feu ensemble. C'est de mettre la lumière et les ténèbres ensemble. Je ne suis pas capable de le faire. Et je pense que je voudrais leur éviter des tribulations, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça va vivre, ça va être difficile. Ça va être difficile. Parce qu'un veut servir le Seigneur, puis l'autre ne veut pas servir le Seigneur. Un veut vivre pour Dieu, puis l'autre ne veut pas vivre pour Dieu. Je l'ai vu qu'ils se sont mariés comme ça, puis du coup, la mère de famille qui était chrétienne, elle voulait pas faire baptiser son garçon. Et le père, qui n'était pas chrétien, qui était catholique de foi, voulait faire baptiser son enfant, et ça a fait de la chicane, ils se sont divorcés, finalement. J'ai dit, j'aurais dû y penser avant. T'aurais dû penser à ça avant, ma fille. Dans le Seigneur, ça veut dire, je crois qu'avec quelqu'un qui croit comme toi, hein, c'est déjà pas facile, le mariage. Deux pécheurs ensemble. Mais un enfant de Dieu et un enfant des ténèbres, c'est encore pas mal plus dur. Pas mal plus dur. Parce que la veuve qui se marie devrait vouloir continuer à servir le Seigneur. Hein? Fait que si son conjoint qu'elle marie ne veut pas servir le Seigneur, ça va être des difficultés épouvantables. Donc, il dit, faites-le dans le Seigneur, ça va être plus facile pour vous. Parce que, si je résume, Paul, il dit, restez comme vous l'êtes, parce qu'il n'y a rien qui peut changer votre capacité de servir le Seigneur. Vous pouvez le servir esclave, célibataire, marié, pas marié, travailleur, pas travailleur, libre, pas libre. Vous pouvez servir le Seigneur n'importe quand, n'importe comment. Mais il dit, ce qui est important, c'est que dans votre tête, dans votre cœur, vous voulez être des serviteurs et des servantes du Seigneur. Vous voulez être des esclaves de Dieu. Vous voulez vivre pour Dieu. C'est ça qui est important. Tu veux te marier? Marie-toi pour servir le Seigneur. Tu veux rester célibataire? Reste célibataire pour servir le Seigneur. Tu veux marier ta fille? Fais-le pour servir le Seigneur. Tu veux pas la marier? Fais-le pour servir le Seigneur. Le but, c'est de servir le Seigneur. Et je me lève le matin et je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de te servir aujourd'hui. C'est tout ce que je veux. Juste servir le Seigneur. Juste servir le Seigneur. Parce qu'on était fait pour ça. On était créé pour ça. Que tu sois marié, célibataire, rentier, marié, à école, étudiant, ça n'a pas d'importance parce qu'on est tous là pour servir le Seigneur. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci pour ce bon chapitre qui nous montre que notre relation avec toi ne dépend pas de ce que nous vivons. Notre relation dépend seulement de ce que tu as fait pour nous. Tu nous as sauvés dans ta grâce à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas améliorer cette relation-là. Elle est parfaite. Notre situation sociale ou matrimoniale n'a aucune importance. Nous pouvons te servir. Et comme Paul l'encourage, je crois ici, c'est de tout faire pour que notre relation soit la meilleure, ou notre position soit la meilleure pour servir Dieu. Nos choix devraient être dictés par le fait qu'on veut servir notre Dieu et non pas se faire servir par lui. Dirige-nous, glorifie-toi par nous ce matin et dans la semaine qui vient. Utilise-nous dans ta bonté pour te glorifier dans le milieu dans lequel nous vivons. Au nom de Jésus, amen. On va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.